Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Voici la grande édition de ce 16 mai 2019. En voici les grandes articulations. La commission justice et paix dans le diocèse de Bubanza appelle les jeunes des communes Guianga et Bubanza dans cette province, encadrée par l'ONG Christian Relief Services, à cohabiter pacifiquement avec ceux qui ont des opinions différentes. Nous appellerons notre correspondante Space Caritas Kavanyana dès le début de ce journal. Et le gouverneur de la province Lumonge exige au boucher d'harmoniser à partir de ce jeudi les prix sur le kilogramme de viande après avoir constaté que ce prix a augmenté de 2000 francs par endroit depuis quelques mois. Et en actualité africaine, suspension des pourparlers entre militaires et opposition au Soudan. Mercredi soir, le conseil militaire s'est retiré du dialogue mis en place depuis lundi pour parvenir à un accord sur une période de transition politique en vue d'élections démocratiques. Voilà pour les grands titres. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour, les jeunes des communes Guianga et Bubanza dans la province de Bubanza, encadrés par l'ONG Christian Relief Services dans le projet Dukire Tubane, sont appelés à briser les murs qui les séparent de ceux qui ont des opinions différentes pour une bonne cohésion sociale. C'est un souhait exprimé ce mercredi au stade de Bubanza où cette ONG évaluait les formations déjà dispensées à travers des célébrations culturelles. L'abbé Georges Ndagijimana de la commission justice et paix dans le diocèse de Bubanza précise que le projet a commencé avec 1500 jeunes. Correspondance, Space Caritas Kavanyana. Le projet de Dukire Tubane, exécuté par l'ONG CERES, encadre 1500 jeunes âgés de 15 à 28 ans dans les communes de Guianga et Bubanza depuis le mois de septembre 2018. Ces jeunes sont appelés à briser les murs qui les séparent à ceux qui ont des opinions différentes pour une bonne cohabitation et une paix durable dans les communautés. C'est ce qui a été dit ce mercredi au stade de Bubanza où ces jeunes étaient rassemblés pour un échange d'expériences avec d'autres qui ne sont pas encadrés par cette ONG, mais aussi c'était pour évaluer et voir ce que ces 1500 jeunes encadrés ont déjà gagné après 9 mois d'assistance, selon Abbé Georges Ndagijimana, secrétaire exécutif de la commission justice et paix dans le diocèse de Bubanza. Il a également expliqué que l'assistance tient sur 3 volets, à savoir la détraumatisation ou la guérison des âmes, une assistance dont ont besoin beaucoup de personnes suite au moment difficile de traverser dans notre pays, selon Abbé Georges Ndagijimana. Ensuite, c'est la cohésion sociale et enfin le relèvement économique à travers de petites associations formées par ces jeunes, des associations ayant comme but d'épargne et de crédit mutuel. Space Caritas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Space. La jeunesse affiliée aux partis politiques devrait adopter un comportement de la non-diabolisation et la non-globalisation de leurs adversaires pour mieux se préparer aux élections de 2020. Propos de certains participants à un atelier d'échange sur le thème de la démocratie et sécurité comme pilier de la paix en général et de la tenue des élections en particulier. Atelier organisé par l'organisation Initiative et Changement Burundi Tugenderubuntu à l'endroit des leaders politiques, ceux de la société civile, ceux des confessions religieuses et ceux des corps de défense et de sécurité. L'atelier qui a commencé ce mercredi prend fin ce jeudi. Et à l'occasion de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, ce 16 mai 2019, La directrice générale de l'UNESCO a, dans un message, déclaré que cette journée internationale est l'occasion de réfléchir collectivement aux moyens et aux actions concrètes permettant d'améliorer le vivre ensemble et de favoriser un environnement inclusif, pacifique et durable à tout point de vue, de sorte que l'ensemble de l'humanité puisse vivre en paix. Citant Martin Luther King qui disait que, je cite, « Si nous voulons vivre en paix sur Terre, nos engagements doivent dépasser notre race, notre tribu, notre classe sociale ou notre nation, ce qui signifie que nous devons adopter une perspective mondiale. » Fin de citation. La directrice générale de l'UNESCO réaffirme que l'engagement de cette organisation à cet égard est total. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La société Bras Roudi, par le biais de la marque Primus, a lancé ce jeudi la 4e édition de la compétition musicale Primusic. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par la responsable de cette marque au Burundi. Dorine Gateka a indiqué que cette compétition vise la mise en valeur de l'art musical et de découvrir les nouveaux talents. Pour cette édition, elle a précisé que les candidats pourront se faire inscrire électroniquement. Suivez-la. La Primusic a commencé en 2012, on a encore organisé en 2013 et en 2014, mais malheureusement avec les événements de 2015, on a dû arrêter. On a décidé de recommencer la Primusic cette année. Vous allez certainement me demander pourquoi on ne l'a pas recommencé plus tôt. Primusic, c'est une grande compétition qui est au niveau national. Elle demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'organisation, beaucoup de logistique et surtout beaucoup de moyens financiers. Donc c'est pour ça qu'on a pris le temps de bien s'organiser avant de la recommencer. La campagne d'enregistrement commence aujourd'hui même. On va leur demander de s'enregistrer à partir d'aujourd'hui. La compétition est ouverte à tous les Burundais et à tous les artistes qui résident au Burundi. Et on leur demande de s'enregistrer. Comment ça va se passer? On pourra s'enregistrer sur le site web de la Bras Roudi. On pourra également s'enregistrer sur la page Facebook de Primus. On a également développé une application mobile de Primus qui s'appelle Primus Burundi. Vous allez pouvoir la trouver sur Play Store. Après la phase d'enregistrement, on va commencer les auditions à l'intérieur du pays, sur tout le territoire. On va commencer à partir de jeudi prochain. On va commencer par Kayanza, donc on va commencer par le nord. Après, on va aller au centre du pays pour descendre vers le sud et finir avec Bujumbura et Mubanza Chibitoke. Les auditions vont se passer de 8h à 13h, où le jury va recevoir tous les candidats, sélectionner deux candidats qui représenteront chaque province. Et à partir de là, on aura un concert dans chaque province également. La phase des auditions va se terminer le 13 juin et on reprendra avec les régionaux au mois de juillet. On va avoir deux régionaux, un à Lumonge et un à Ngozi, régionaux au cours desquels les 46 candidats qui seront sortis des phases provinciales vont pouvoir montrer leur talent. Le jury, là encore, va sélectionner les 12 candidats qui vont évoluer vers la demi-finale. Je vous l'avais dit dans les titres, le gouverneur de la province Lumonge exige au boucher d'harmoniser à partir de ce jeudi les prix sur le kilogramme de viande après avoir constaté que ce prix a augmenté de 2000 francs burundais par endroit depuis quelques mois. Les contrevenants n'ont qu'à changer de commerce. Correspondance de Jean-Pierre Misago. Exception faite pour la commune Wuyengero, toutes les autres communes de la province de Lumonge ont revu à la hausse le prix au kilo de la viande jusqu'à 8000 francs burundais par kilo de viande sans os, notamment en commune Muhuta, selon le Juvenal Bigirimana, gouverneur de Lumonge, et cela à partir de la fête du Nouvel An. Pour le gouverneur de Lumonge, cette hausse est injustifiée et les prix doivent être rabaissés car, selon le gouverneur de Lumonge, même les bouchers de Bouyengero qui n'ont pas revu à la hausse les prix réalisent des profits. Juvenal Bigirimana met en garde les bouchers qui ne s'exécuteront pas, qu'ils doivent chercher d'autres activités commerciales. Certains bouchers qui ont participé dans cette réunion de sommet de crédit avec le gouverneur disent que la mesure est fondée puisqu'ils ont en commun le marché d'achat des vaches, mais même son de cloche chez les consommateurs qui demandent que la mesure de sommet de crédit s'applique sans délai. Cette mesure devrait entrer en vigueur dès ce 16 mai courant, selon le gouverneur de Lumonge, Jean-Pierre Misago de Lumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et les passagers empruntant les bus de transport en commun à mairie de Bujumbura se réjouissent de la décision prise de réserver un siège pour le convoyeur qui restait debout durant tout le trajet. Même ces convoyeurs reconnaissent que maintenant ils travaillent confortablement. Reportage Fabrice Pimeniman. Ici, nous sommes au parking des bus de transport en commun en mairie de Bujumbura, là où les passagers de ces bus se réjouissent de la décision de ne plus dépasser le nombre des passagers et que le convoyeur de bus se garde un siège. Une des personnes rencontrées sur les lieux dit qu'il se déplace en sécurité, mais il demande que les sièges en mauvais état soient retouchés. Nous accueillons chaleureusement cette mesure. Auparavant, les convoyeurs se tenaient debout les clients, ce qui pourrait provoquer le désordre dans les bus de transport. Actuellement, nous asseyons confortablement, mais il faut améliorer les sièges de certains bus qui sont en mauvais état. Une autre personne indique que dans les quartiers, lorsqu'ils embarquent les passagers, parfois ils dépassent le nombre des passagers. Il y a des fois où nous sommes trop nombreux et où ils leur déposent un peu loin, mais nous sommes habitués à ces conditions. L'un des convoyeurs qui a parlé au micro de la radio Isanganiro dit que respecter le nombre des passagers, c'est avantageux parce que s'ils dépassent le nombre des passagers et qu'ils croisent la police de roulage, ce dernier les sanctionne par une amende. Si tu travailles et t'en debout et que tu croises un policier, il t'exige de payer une amende de 50 000 francs. Et la discipline est dans son travail. C'est interdit de travailler et t'en debout. Et nous, nous sommes contents de travailler en position assise. Et même l'assurance est de 17 personnes. Et là, on travaille confortablement. Travailler et t'en debout, c'est même fatigant. Ces personnes qui utilisent les bus de transport en commun pour se déplacer demandent que d'autres lacunes dans ce secteur de transport en commun soient réglées comme des bus usés. Fabrice Bimeniman, stagiaire à notre station et les préparatifs au concours national à l'ECOFO, Mgr Skeppers de Niakabiga vont bon train. Le directeur de cette école fait savoir que les cours sont presque terminés. Les détails avec Lies Nininasku. Nous sommes à l'école fondamentale Mgr Skeppers qui est dans la commune Mukadza, zone Niakabiga, dans la classe de 9e A. Ils étaient en train de suivre le cours de français. À l'approche du concours national, quelques élèves parmi eux nous racontent comment ils se préparent. Je m'appelle Baizi Ascension Beni, j'étudie au lycée Skeppers en 9e année. Comment te prépares-tu? En étudiant fort et en me rattrapant dans les cours que je suis faible pour mieux réussir. Là où je suis faible, c'est par exemple maths. Je cherche toujours ceux qui sont forts en cette matière pour m'aider. Le message que d'étudier fort. Je m'appelle Chimé Leslie Livka. Il y a le concours national qui est proche. Comment te prépares-tu? Je révise mes notes tout le temps. À la maison, je prends du temps pour réviser mes notes. Je fournis beaucoup d'efforts dans les cours où je ne suis pas forte. Arrivé à la maison, je fais une petite sieste et puis je m'organise pour avoir le temps d'étudier, de réviser mes notes et de refaire les exercices de l'école et les devoirs aussi. Les cours en classe de 9e sont presque terminés, comme nous le dit le directeur de cette école. Léonidas Mounounzid a fait savoir que les préparatifs à cet examen se déroulent bien d'une manière générale. D'abord, il faut que nous partions dès le début. Les professeurs s'organisent. Maintenant, ils sont en train de travailler très fort pour qu'ils terminent le programme. Après avoir terminé le programme, ils donnent des interrogations. Et après, on organise des tests de direction et même des tests au niveau de la province et de la mairie, par exemple. Presque tous les cours sont déjà terminés, sauf quelques cours comme l'anglais. Le professeur est en train de faire tout mieux pour qu'il termine le programme. D'autres cours sont déjà terminés. À cette école, aucun élève ne s'est présenté pour refaire cet examen national. Et en Corse, en vie d'une femme a été retrouvée ce mercredi à la 8e avenue de Moussegni, en commune de Manda. Nous sommes dans la province de Bouvanza. Les administratifs locaux expliquent que ce corps a été découvert dans les champs, recouvert de paille et de riz, à quelques 200 mètres de la route Bujumbura-Bouvanza. Aucune pièce d'identité sur ce corps qui aurait été transporté à partir d'autres lieux et jeté à cet endroit, selon le chef de colline de Moussegni. Simon Sinzoumonsi ajoute que ce corps a été inhumé ce mercredi même à Moussegni. Et en actualité sous-régionale et africaine, en République démocratique du Congo, 93 agents de santé ont été infectés par le virus Ebola et 34 sont décédés depuis le début de l'épidémie en août dernier. Le personnel de santé avait pourtant été la première cible de la campagne de vaccination contre Ebola, selon les autorités. Pour Tariq Riebel, directeur des interventions d'urgence du Comité international de secours à Goma, dans l'est de la RDC, les travailleurs de la santé sont infectés parce que beaucoup parmi eux commencent la prise en charge des patients suspectés sans grande protection. C'est pourquoi ils demandent aux travailleurs concernés de faire preuve de prudence en utilisant les équipements de protection appropriés. En plus de leur vulnérabilité, les agents de santé sont aussi victimes de violences, ce qui fragilise la lutte contre l'épidémie qui a déjà fait plus de 1000 morts avec plus de 1500 cas confirmés. Et suspension des pourparlers entre militaires et opposition au Soudan. 2 jours de négociations entre civils et militaires pour rien. Mercredi soir, le conseil militaire s'est retiré du dialogue mis en place depuis lundi pour parvenir à un accord sur une période de transition politique en vue d'élections démocratiques. La suspension devrait durer 72 heures selon le conseil militaire. La capitale soudanaise est à nouveau secouée par des tensions entre manifestants et forces de sécurité. Le dialogue entre le conseil militaire et la coalition civile avait pourtant bien commencé, leur permettant de se mettre d'accord sur une période de transition politique de 3 ans avec un parlement de 300 membres, mais surtout un gouvernement essentiellement composé de civils, ce que les manifestants exigent depuis le lancement de leur mouvement en décembre dernier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par le duo Dorine Ouimana et Eli Kadogo, micro Jean Bosco Ouimana. Passez un très bon après-midi.